Bonne écoute à tous, merci à tous, et encore une fois, belle année à tous. Tu peux bien te foutre de ma gueule, mais demain, toi...